Y'a la pluie qui tombe sur l'étang, les gouttes dansent la valse en riant. Y'a de l'eau beaucoup ce printemps, le ruisseau se prend pour un torrent. Un poisson file dans la rivière pour aller retrouver la mer. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, y'a la vie qui te sourit et qui te tend les bras. De bon matin, maître soleil, me tire doucement du sommeil. Autour de moi, la vie s'éveille, le chant du coq, le bzzz des abeilles. Plus tard, j'irai marcher sur la plage, sur le sable chaud du rivage. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, y'a la vie qui te sourit et qui te tend les bras. Les feuilles rougies volent autour de moi, les brindilles craquent sous mes pas. Ce soir j'aurai pour mon repas des champignons, des fruits, des bois. Ornés de ses plus beaux atours, le cerf nous brame ses amours. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, y'a la vie qui te sourit et qui te tend les bras. Ma peau, le temps est froid, l'hiver est beau. Mon souffle s'agite comme un drapeau, disparaît, revient de nouveau. Un oiseau plane dans l'air léger, son chant me parle de liberté. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, y'a la vie qui te sourit et qui te tend les bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, y'a la vie.